Donc l'une des questions, cela va être moins long. Ça va être un petit peu, mais comment explique-t-on les différences de races? D'où viennent les races différentes? D'où est-ce que tu fais qu'on est. Si on vient tous de Daniel, il y en a qui disent que Daniel soit noir ou blanc ou jaune ou rouge, si on vient tous du même, pourquoi est-ce que différentes races? Selon la science, aujourd'hui, la plupart des scientifiques sont d'accord à dire que peu importe quelle couleur avaient les premiers, si on admet qu'il y avait eu un premier, un homme ou une femme, peu importe la couleur qu'ils avaient, la plupart des scientifiques croient qu'on peut avoir plusieurs couleurs aujourd'hui de la même, du même coup. Il y a des scientifiques qui croient ça aujourd'hui. Que dans l'être humain, toutes les capacités génétiques pour produire différentes couleurs, différentes races. Même les scientifiques sont prêts à dire ça. Les chrétiens aussi embarquent dans cette direction-là en général. Ceux qui se posent la question vont aller dans cette direction-là. Et Richard, il fait très les gens, mais c'est pas loin du tabel. Okay? Les chrétiens souvent vont dire que les scientifiques vont aller dans cette direction-là aussi. Les autres ne croient pas Babel dans le sens spirituel comme eux qu'on le croit. Mais ils vont dire que souvent, ce qui est arrivé, c'est que quand nous, on va dire, quand Dieu a isolé différents groupes de personnes à Babel, par quoi? Par les langues. Okay? Il en a isolé. Et ces personnes-là isolées ont amené avec eux autres leurs caractéristiques génétiques. Et donc, ils ont développé plus de caractéristiques génétiques que d'autres races qui n'avaient pas. Savez-vous que la couleur de la peau, ça vient d'une glande? La mélanine. C'est que quand on va plus au soleil, on grille, comme on dit. C'est pas le soleil qui fait qu'on grille. Le fait qu'on est exposé au soleil, on produit plus de mélanine qui fait qu'on devient plus brun. Tu vois pas ce que. Puis ça nous protège contre les rayons UV, en tout cas, toute une histoire que je peux pas te expliquer. Mais la génétique, c'est pareil. Moi, quand j'étudie les fleurs, on peut prendre des fleurs et faire un mélange de génétique, qu'on appelle. Et on va. Du même plan, on va sortir différentes couleurs de fleurs, différentes formes de fleurs. Parce que c'est juste la génétique qui fait la différence. Donc, la plupart des chrétiens ou des savants sont prêts à dire aujourd'hui que dans un homme, un couple, on pourrait sortir plusieurs sortes de races, de couleurs. Et j'ai un ami, moi, qui a eu des enfants, un enfant, qui est albinos. Ça veut dire quoi? C'est qu'elle ne produit pas de mélanine du tout. Puis elle est blanche, partout. Les cheveux blancs, les cheveux, puis c'est blanc, tout est blanc. Ouais, plus rouge. Après, tu piques pas de couleur, ça fonctionne pas la fin. Donc, c'est, dans une génération, on a pris un blanc. Tu sais, une personne qui aurait pu avoir même deux noirs pour avoir l'albinose, deux blancs pour avoir l'albinose, c'est que ça produit pas de mélanine, l'autotumène, la peau va rester bien blanche. Si elle s'expose au soleil, elle devient rouge. Elle va faire des coups de soleil faciles parce qu'elle n'a pas rien pour se protéger. Donc, les races pourraient venir probablement de Babel. Savez-vous que les yeux bridés, j'ai appris ça cette semaine, c'est tout un petit muscle que tout le monde vient au monde avec les mêmes petits muscles-là, même nous autres, puis qu'on va perdre vers l'âge de 3 à 6 mois. Si vous allez voir des Chinois qui n'ont pas les yeux bridés, parce qu'ils ont le petit muscle qui est parti. Mon beau-frère, moi, on dit peut-être des chinois, peut-être des chinois. Tout ça, c'est bien québécois. Mais le petit muscle qui est resté là, puis qui a les yeux bridés, mais dit c'est un peu québécois. Ça se fait, ça. Il dit ce qui est important de savoir, c'est que dans l'être humain, toute la génétique, tout est là pour pouvoir faire différentes races. Là. Puis il disait que entre les différentes races, c'est 0,2% de différence. Moi, un chinois, mettons, c'est 0,2%. C'est pas de grande différence que ça, là, entre moi et un chinois. Donc, les races, souvent, les gens pensent que ça. Ils essaient d'expliquer ça autrement, mais aujourd'hui, la science, c'est pour ça qu'aujourd'hui, même les évolutionnistes se posent pas la tête par rapport à la race parce qu'ils savent que ça pourrait venir toutes les deux mêmes personnes d'avoir différentes races. OK? Les Noirs en Afrique, c'est ça. C'est la même chose. Et ça, c'est de revue à ce que j'ai entendu que deux noix pour avoir un blé. Et deux blancs pour avoir un noir. Parce que c'est la génétique. C'est juste des codes génétiques qui pourraient se. Des fois par erreur, des fois par maladie, qui fait ça. Et là, je me suis posé la question cette semaine. Si Dieu retarde encore 300 ans, Et là, avec ce qu'on connaît dans notre société présentement, va-t-il y avoir encore ce que nous on appelle des races? Va-t-il y en avoir encore? Qu'est-ce qui a fait des races jusqu'à aujourd'hui? C'est qu'on était géographiquement isolés les uns des autres. Maintenant, on est tous dans la même ville, on se marie tous les uns avec les autres. Maintenant, il y a des bruns, il y a des chocolats, il y a toutes sortes de couleurs, il y a toutes sortes de yeux, toutes sortes de cheveux. Et parce qu'on se mélange toutes les codes génétiques partout. Je me demande si on ne continue pas à se mélanger-là, si on ne peut pas devenir plutôt uniforme. Même. Ils disent que 2000 autres, deux métis, ils vont sortir un blanc ou un noir, ça. Mais si on mélange tout ça tout le temps, pas mélange, pas mélange, est-ce qu'on ne va pas venir avec une espèce d'uniformité? Je me suis posé la question. On a posé la question à des généticiens, mais ce que je vois aujourd'hui, on voit ce que nous on appelait des races qu'on ne voyait pas il y a 30-40 ans. Parce que d'un coup, on a un noir africain, ben noir, qui vient de se marier avec un asiatique. Qu'est-ce qu'il ne faisait pas il y a plutôt 100 ans? Qu'est-ce que ça donne, là? On dit, c'est une autre race? Mais non. C'est juste deux êtres qui se sont mariés, qui ont mélangé leur code génétique, qui ont donné une formule nouvelle. Mais si tu prends celle-là, tu mélanges avec un rouge, puis tu prends celle-là, ça va faire quoi tout à l'heure? Ce qu'on ne voyait pas il y a 100 ans, maintenant on le voit. On le voit. Et je crois que peut-être dans 100, dans 200, dans 300 ans, si ça continue dans cette direction-là, qu'est-ce que ça va devenir? On ne saura pas. Je ne saurai plus là. Ça nous intéresse plus. OK. Oui? Suite à ça, je ne sais pas si ça a l'air. Comme ceux au lac Saint-Jean, là, comme tu dis, Saint-Jean-Du, puis c'est Marie l'un et l'autre, puis ça devient. Mais que dans ce temps-là aussi, les précoces, c'est-à-dire, ils tombent malades. Oui, ça, c'est la consanguinité qu'on appelle. Ouais. Si on est trop proche parent, c'est pour ça que Dieu a interdit les mariages trop proche parent, c'est un problème de consanguinité. Qui n'était pas là dans le paradis. Qui est venu à cause du péché, à cause de la chute, à cause comme de... Noé, moi et ses fils, ses filles, on m'a fallu que tu mettes ensemble. Oui, ouais, mais ça, là, au moins, là, il y aurait du mélange, que les trois filles n'étaient pas de la même gang. Mais c'est après ça que Dieu va sortir les lois qui interdit de se marier trop proche l'un de l'autre. Pour empêcher ce problème de santé-là qui arrive là, dans ce sens-là.